trahis pas. Tu es si belle, s'il te plaît, reste comme ça. Ne deviens pas la pute que les gens veulent de toi, non. Non, ne te trahis pas. Il y en a déjà tant qui se bercent d'illusions. Il y en a déjà bien assez qui usent leur corps à des fins qui ne justifient rien. Les moines qu'elles se donnent, tu es bien autre chose qu'une femme à baiser, payer, puis jeter. Reste au perché, reste, ne te justifie pas, fais ce qu'il faut et tu verras, tu verras. Te souviens-tu de la pointe des Espagnols où l'envoyer? Et dans le coulet, les bateaux passaient. Comment lui appartenir sans mourir là? Comment vieillir sans finir par se haïr? Comment vieillir sans finir par avoir le mépris de soi? Est-ce que tout est noté de toutes nos pensées? Est-ce que quelqu'un se souviendra d'au moins un peu de soi? À la lueur du presbytère, j'ai toujours la tique dans l'aile. Les hommes portent des mules, et les mules portent des sabots. Elle me dit, t'inquiète pas, tu seras toujours beau, mais quand tu seras mort, nous avons tes photos. Même quand tu seras mort, nous avons tes photos. Sommes-nous si indélicats qu'on ne se voit pas? Penses-tu qu'il existe encore en dehors de moi? Lise, ne m'en veux pas, je t'en rêvais de toi. Quand le moment viendra, Lise, ne m'en veux pas, si mon corps n'y est pas. Penses-tu qu'il existe encore un endroit où mon corps n'est plus là? Faut-il des sentiments pour se voir comme avant? Penses-tu qu'il existe encore en un endroit une substitut, un substitut comme un passé infini? Des jours éternels, des moissons rebelles. Lise, ne m'en veux pas. Lise, ne m'en veux pas. Pleure si atténue les souffrances. Lise, j'en veux plus. existe encore en dehors de moi. Une impasse libre ne m'en veut pas des heures plus propices. J'aurais gardé la foi comme un over stream, comme un. Crois-tu qu'il existe encore dans le cœur des gens, bien après sa mort? Crois-tu qu'il existe encore dans le cœur des gens, bien après ma mort? T'es une vue imprenable, t'es une lune formidable, ta lune imprenable est la vue, est la vue. La nature des arbres à cames, comme un new Mary Street, comme un Mary Street. C'est toi qui fais les feux des poings cassés. J'avais autre chose, mais tout s'effaçait. On se dit toujours les mêmes choses sur les quais. Prends soin de toi, au revoir, on se reverra, prends soin de toi. Ne pleure pas, et c'est là que l'on se dit que l'on s'aime. Faut se séparer pour s'aimer, pour savoir que nul autre peut remplacer. Après toi, tu chansons désormais. Ici bas, qui chantera, qui? Qui fera vivre après toi?